Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 9 janvier 2012. C'est l'assemblage requis et l'année commence maintenant. Hein? On sort d'hibernation, nous, ici. Bon matin, bienvenue à Assemblage Requis. Alors, c'est lundi 9 janvier 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Toi, donc, résolution, t'en as pris? Non. Pas parce que tu y crois pas, juste parce que t'es trop paresseux, non? Ouais, je suis peut-être paresseux un peu. Tu pourrais prendre la résolution de prendre une résolution l'année prochaine. Prends comme résolution de prendre une résolution l'année prochaine. Ouais, je pourrais. Il faut se réveiller, ma frère. J'ai pas pensé. Un petit thé, là, d'après temps des fêtes, là, question de nous repeper le corps, là. Je sais pas s'il y a des restants de dinde dans son thé, quelque chose du genre. Non. Bonne émission, bonne demi-année. Bonne demi-année, tout le monde. Pro. Ouais! Pro! Oui. C'est fou! C'est bon, ça! T'as pas eu de ça, moi? Ben ouais, mais gars, je te joue. Ben ouais, t'arrêtes de chialer, cabotard! T'es ouais. Délicieux. Ça donne des frissons. De dégoût. Remets ton chandail. Non, non, Jersey Shore, là, la fille, la Snooki. Hey, là, Snooki. Es-tu belle, hein? Ace de wow. Donc, elle boit un pot de cornichon à même le pot. Elle boit. Ah, elle boit le jus? Elle laisse les cornichons là. C'est ça. Ouais. Elle est formidable. Snooki. Non, mais c'est toutes des belles personnes. Oui, oui, ben vraiment. D'après ça, Marie-Fière. Marie-Pierre. Marie-Fière. Mais Marie-Fière comme prénom. Hein? Marie-Fière. Ouais. Marie-Fière. Marie-Hier comme Marie-Demain, mettons. Moi, j'aime bien un vieux nom. Jean-Mathieu. De bonnes chroniqueuses. En fait, c'est la journée Girl Power aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que t'es déguisé en fille. Est-ce qu'on fait une chronique geek? Non. C'est Alex. Demande-moi les pots. Ben, ouais, c'est... Oui, ça va-tu oui. Là? Ça va-tu là? Qu'est-ce qui va-tu là? Ça va là. Okay. Écoute, quel micro qu'elle a? Ouais. Je sais pas. Ça va avec. Qu'est-ce que vous faites? Hey! Là, on est en onde, là sur les ondes FM. J'essaie de brancher le fil de mes écouteurs. Parce que, je pensais pas causer un émoi comme ça en demandant un service. C'est un peu ça. Hey! Canal, non? Prino? Non, c'est qui, ça? C'est Marianne! Je peux avoir Bart. Hey! Ah, Bart! Tu l'as bien, Bart. Oui, Bart, c'est ton meilleur. Bart, c'est un champion. Un champion. Non, c'est vrai. J'aime tout le temps ça faire Bart. Je sais pas c'est si... C'est quand j'ai découvert que j'étais capable de le faire, ça, c'était hot. Moi, en fait... Ouais, tu fais ça, toi. Mais c'est vrai, c'est quand t'arrives aux douanes, tu dis « j'ai rien à déclarer ». C'est sûr. Avant qu'ils te le demandent. C'est sûr que t'as de quoi te pogner en un petit orifice quelque part. Oui, oui. Entre les dents. Ben, c'est un orifice. Je voulais pas dire d'autre chose, là. T'as pas pris dans le pet. Bon, il fallait vraiment qu'elle aille jusque-là. Hein? Wow! J'aurais pu dire Fofun aussi. Ouais. Fofun, c'est drôle. Ouais. Quand t'en achètes, t'en bois pas. François, on entend beaucoup ton plat de... Ok, j'arrête. Ah non, continue, mais dans le micro à place. C'est bon pour l'instant. Question que tout le monde entende. Tu sais? Tantôt, je coupais les ongles devant moi, tu sais, t'es là. Clac! On entendait ça, Clac, clac! Non, c'est vrai. Hey, on peut pas se garder une petite joint? Non, pas avec moi. Mais non, tu te coupais les ongles. Dans ma face, fait que toi, tu pourrais te garder une joint de moi en allant le faire aux toilettes tantôt. Mais bon. Merci à Jasmine Raymond-Rainville, merci à Myriam Fugère. Salut! Merci! Salut, Bart! Salut, Bart! Hey, salut, là. Yeah. Dernier petit coup de main. C'est la première journée. Hey, c'est la fin de l'industrie du disque. On en disque ut avec Simon Fesbé. On va venir lundi, je pense. Hein? Lundi matin, 7h. Ben oui. 7h. Quelle belle heure, comme toujours. Bye. Have a nice weekend. Sous-titré en français, tu dis belle fête. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 9 janvier 2012. Hein? Wow! Hein? Quel je beau suis moment. Un instant classique. Tu parlais pas de temps en même temps, comment? T'es je un instant classique? Je suis un instant classique. Tout à fait. Surtout Myriam, mais plus toi aussi. Toi aussi. Moi, Justine, toi? Qu'est-ce que j'ai fait? T'étais pas là-dedans parce que t'étais pas dans l'assemblage requis? Non, c'est ça.